C'était le fabuleux pays de Yam des anciens Égyptiens. Un vaste territoire où ils ont conduit d'audacieuses expéditions qui leur ont permis d'en rapporter du bois d'ébène, de l'encens, des bêtes sauvages et sans doute aussi des esclaves, dont un pygmée qui a provoqué la très vive curiosité du pharaon Pépi II. Ce pays, grand comme la France et peuplé de seulement 6 millions d'habitants, c'est le Darfour, une province soudanaise en proie à une guerre civile qui a fait depuis 2003 des dizaines de milliers de morts et plus certainement des centaines de milliers, et provoqué aussi le déplacement de 2 millions de personnes qui végètent aujourd'hui dans des camps de fortune en plein désert et dépendent de l'aide humanitaire internationale quand elle arrive. Mais que se passe-t-il exactement dans ce pays longtemps oublié et que veut-on y cacher? Puisque l'envoyé spécial de l'ONU, chargé justement d'étudier dans quelles conditions des casques bleus pourraient s'interposer au Darfour, vient d'être expulsé par les autorités soudanaises. Est-ce parce que, selon certains, on y perpètre un véritable génocide? La semaine passée, M. X m'a longuement parlé de l'histoire mouvementée du Soudan, où une autre guerre opposant les nordistes musulmans et arabes aux sudistes noirs, chrétiens ou animistes vient tout juste de se terminer. Une guerre où la querelle religieuse ne jouait pas tout à fait le rôle qu'on voulait lui attribuer, car il flotte là-bas une forte odeur de pétrole. Par contre, au Darfour, ancien pays indépendant annexé au début du XXe siècle par le Soudan, la religion n'entre pas en jeu dans le conflit actuel. Au nord comme au sud, on y est musulman, et depuis fort longtemps. Quant à la question ethnique, elle n'a pas toujours eu l'importance qu'on lui accorde aujourd'hui. Il faut en effet savoir que tous les habitants du Darfour, qu'ils soient nomades ou sédentaires, arabes ou africains, ces derniers étant prénommés Zourga, sont tous plus ou moins noirs, avec tout de même des traits physiques distinctifs, et qu'ils ont surtout vécu ensemble fort longtemps dans une paix relative. Alors, de quoi s'agit-il? Monsieur X dévoile les vrais enjeux et bat en brèche quelques idées reçues. Il met aussi en lumière la responsabilité d'un personnage étonnant, l'ancien homme fort du Soudan, l'idéologue du régime Hassan al-Tourabi. Le Darfour a donc été annexé au début du XXe siècle et puis on l'a oublié. Un peu comme s'il n'existait pas, quoi. Je crois vous l'avoir dit la semaine passée. À l'orée de notre troisième millénaire, il n'y avait toujours que 150 kilomètres de routes goudronnées au Darfour. Pour un pays presque grand comme la France. Hein. Oui. Et encore, ces routes n'avaient pas été financées par le gouvernement soudanais, mais par la Banque mondiale. Cette province soudanaise a donc été sciemment maintenue dans le sous-développement. En effet. Au fond, pour simplifier, le Darfour n'intéressait Khartoum que lorsqu'il y avait des élections, ou lorsque le pouvoir avait besoin de recruter des soldats. Par exemple, lors de la guerre contre la rébellion sudiste, où les recrues du Darfour formaient la moitié des forces gouvernementales. Mais il faut tout de suite dire que si le Darfour était généralement ignoré par Khartoum, il intéressait beaucoup ses voisins immédiats, libyens ou tchadiens, et même les rebelles de l'armée sudiste du colonel Garang. Et soyez plus précis, là. Eh bien, les sudistes s'y sont battus contre l'armée. Le Darfour a donc servi de champ de bataille. Quant aux Tchadiens, nombreux sont les opposants qui s'en sont servis comme de base arrière pour mener des actions armées contre N'Djamena. Mmh. Je crois savoir que ça continue. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, la crise du Darfour ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur la situation tchadienne. Mais je vous promets qu'on en reparlera. Alors, les Libyens maintenant. Eh bien, je vous l'ai déjà dit, Kadhafi n'aurait pas été hostile à une annexion du Darfour. En tout cas, il a fait tout ce qu'il fallait pour envenimer la situation. Enfin, passons, au moins provisoirement. Tout cela veut dire, conflits, tribaux ou interventions étrangères, que le pays n'a pas connu la paix depuis les années 80. D'accord, mais à partir de 2003, cet état de guerre va prendre une autre dimension. C'est certain, oui. En fait, c'est peut-être anecdotique, mais ce nom Darfour... Ça veut dire le pays des fours. Four étant une ethnie africaine vivant de l'agriculture et installée au centre du pays dans un massif montagneux, le Djebel Mara. C'est cette ethnie qui dominait l'ancien royaume du Darfour. Et c'est aussi au sein de cette ethnie que naîtra en 2003 la rébellion contre Khartoum. Ouais. Il y a un instant, vous avez parlé de conflits tribaux. Bien sûr. Mmh. Et d'abord parce que le Darfour est une vraie mosaïque d'ethnies. Alors, il est inévitable que des conflits éclatent de temps à autre. Toutefois, la vraie déchirure. La plus importante, en tout cas, c'est la manière de vivre. Oui. Nomades ou sédentaires, c'est ça? Oui, oui, oui, les nomades sont plutôt installés dans les contrées désertiques ou quasi désertiques du Nord. Ils prétendent qu'ils sont arabes. Et pour eux, c'est un objet de fierté. Et pourtant, vous m'avez dit que tout le monde était noir au Darfour. Alors, tout au plus peut-on dire qu'au contact des Arabes de la vallée du Nil, ces gens du Nord sont arabisés. Ouais, culture et religion. Bien entendu. Ouais. Mais il faut noter que les vrais Arabes méprisent généralement ces nomades noirs. Des faux Arabes, en somme. Voilà. Cela manifestant le même mépris pour les Urgas, c'est-à-dire les agriculteurs africains du Darfour. Toutefois, pendant très longtemps, ces deux populations nomades et sédentaires ont vécu d'une façon relativement harmonieuse. Même s'il était difficile aux Urgas d'oublier que les nomades avaient été autrefois de redoutables trafiquants d'esclaves. Qui trouvaient leur matière première, si j'ose dire, parmi les hommes et les femmes de ces tribus sédentaires. En effet, oui. Cependant, cette coexistence tendue, mais quand même plutôt pacifique, va peu à peu se gripper. Pourquoi? Parce que la ressource en eau diminue. Ah, la désertification. Et qui va en progressant. Conséquence. Les nomades doivent descendre de plus en plus vers le sud pour abreuver leurs animaux et trouver des pâtures. Et ils se heurtent aux agriculteurs qui, eux-mêmes, économisent l'eau qui irrigue leurs maigres cultures. Oui, des cultures qui doivent être aussi menacées, enfin, je pense, hein, par la divagation des animaux des nomades. Évidemment. Mmh. Les incidents sont donc de plus en plus nombreux, de plus en plus violents. Et c'est incontestablement l'une des causes de la guerre civile de 2003. Parce que ces Urgas accusent le gouvernement de Khartoum de ne pas les protéger contre les razzias des nomades. Voilà donc le cadre général. Mais entrons dans les détails et voyons aussi quelles ont été les manipulations qui ont exacerbé la compétition entre nomades et sédentaires. Et abouti à faire éclater cette terrible crise. Hein. Sans laquelle, je suis sûr, vous n'auriez jamais entendu parler du Darfour. Ouais, car les pays heureux n'ont pas d'histoire, c'est bien ça. Et c'est vrai que pendant des décennies, le Darfour a été ignoré, marginalisé. C'est seulement dans les années 80 qu'il surgit du néant. Déjà à cause d'une terrible famine due à la sécheresse, bien sûr, mais aussi à l'impéritie du gouvernement de Khartoum. Presque 100 000 personnes meurent dans une quasi-indifférence. Mais vous m'avez quand même dit que cet événement dramatique allait accélérer la chute de la dictature du maréchal Nimeri. Et l'on assiste aux premiers heurts sérieux entre les nomades prétendument arabes et les agriculteurs. À cause de la famine. Oui, et à Khartoum. Le pouvoir, bien qu'il l'ait changé, penche franchement en faveur de ces nomades qui pillent les villages des Urgas. C'est aussi l'époque où Kadhafi, profitant de la confusion qui règne alors au Darfour, essaie de l'annexer. Vous connaissez tout cela, alors n'y revenons pas. Ce qu'il faut simplement noter, c'est que la province ne connaîtra plus vraiment la paix. Toutefois, jusqu'en 2003, ces épisodes de violence, alimentés ou pas par des conflits extérieurs au Darfour, demeureront, si je puis dire, artisanaux. Oui, localisés. Et pourtant, on voit déjà apparaître les redoutables Janjaouides, les cavaliers du diable, comme les nomment les paysans des villages qu'ils attaquent. En fait, ces cavaliers sont les héritiers des pillards nomades qui venaient autrefois rafler hommes, femmes et enfants pour les vendre aux trafiquants d'esclaves. Ce sont donc des Arabes ? Ou considérés comme tels. Ouais. Et ils sont issus des tribus qui nomadisent au nord du Darfour. Mais si dans les temps plus ou moins reculés, les Janjaouides étaient armés de lances, ils sont maintenant équipés de Kalachnikov autrement plus redoutables. D'accord, mais ces cavaliers-là, ces Janjaouides, ne sont pas apparus par génération spontanée. Vous avez raison. En fait, ces bandes de pillards ont été formées à l'initiative de Khartoum. Au début, il s'agit de milices chargées de combattre la rébellion sudiste au Soudan. C'est-à-dire des supplétifs. Tout à fait. Ouais. Les Janjaouides qui combattent aux côtés de l'armée soudanaise. Et comme officiellement ils n'appartiennent pas à l'armée, on compte sur eux pour terroriser les populations des zones rebelles. Et ils font ça très bien. Toutefois, lorsque les affrontements entre sudistes et nordistes soudanais cessent, et qu'on s'achemine vers la paix, les Janjaouides deviennent inutiles. Et Khartoum les invite fermement à regagner leur tribu. Ils sont en quelque sorte démobilisés. Ah oui, mais ils ont pris des habitudes. Ouais, de mauvaises habitudes. Et ils vont conduire de véritables razzias dans les villages des Urgas, tuant, violant et volant les troupeaux. C'est là, je vous l'ai dit, l'une des principales raisons de la rébellion du Darfour. Et parce que les paysans ne supportent plus d'être exposés aux violences de ces cavaliers du diable sans que le gouvernement bouge. Et pour se protéger, ils en viennent à constituer des milices d'autodéfense. En tout cas, lorsque le conflit va se généraliser, les gens de Jawoud seront bien sûr à nouveau utilisés par l'armée soudanaise pour semer la terreur dans les villages. Et c'est à cause de ces violences systématiques perpétrées contre les populations sédentaires qu'on pourra commencer à parler, sinon de génocide, mais au moins de nettoyage ethnique. Ça veut dire en tout cas que ces tueurs agissent avec l'aval de Khartoum. Ah, bien sûr, qui pourrait en douter. Ces gens de Jawoud étaient des supplétifs au sud du Soudan et ils continuent à l'être au Darfour. Et comme ils ne sont pas intégrés à l'armée, Khartoum peut toujours nier toute responsabilité. C'est parfaitement hypocrite. Mais, ce qui arrange presque tout le monde, au fond. On feint ainsi de ne rien voir. Et on ne se fâche pas avec ce grand pays qui est devenu le premier producteur de pétrole de l'Afrique de l'Est. Demandez-vous, par exemple, pourquoi, au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine s'oppose à l'envoi de casques bleus au Darfour. En 2004, alors que le Darfour a déjà plongé dans la tragédie, Jean-Louis Peigninou revient dans le monde diplomatique sur l'origine de la crise. J'en extrais ces lignes. La chronique du Darfour est celle de conflits entre éleveurs à la recherche d'eau et de pâturage et de paysans protégeant leurs champs et leurs maigres biens. Dans ce pays chiche en ressources, totalement dénué d'équipements et laissé à l'abandon, l'explosion démographique, la province compte 6 millions d'habitants, deux fois plus qu'il y a 20 ans, a rendu plus violente la compétition pour l'eau et l'espace. La régulation traditionnelle des conflits, fondée sur le respect par les nomades d'itinéraires et de périodes précises de transhumance, a commencé à s'effondrer avec la grande sécheresse et la famine du milieu des années 80. Depuis, le Darfour est en crise. Malgré la présence de responsables politiques originaires de la région dans les allées du pouvoir à Khartoum, la situation s'y détériore année après année. Une guerre meurtrière avait opposé en 1985-88 les Fours aux tribus arabes lancées à l'assaut de leur village sur fond d'allées et venues entre le Tchad et le Darfour, d'intervention de la Légion islamique libyenne et de jeu de pouvoir du parti Houma de M. Sadek El Mahdi. Elle avait pu sembler un moment de paroxysme lié à la période de sécheresse. Avec le recul, elle apparaît comme une prémisse. Alors, votre réponse sur l'attitude de la Chine à l'ONU ? Eh bien, il me semble vous avoir déjà donné la réponse. C'est le pétrole. C'est une compagnie chinoise qui est désormais l'un des principaux opérateurs au Soudan. Et la Chine, qui consomme toujours plus d'énergie, ne veut pas prendre le risque de rompre avec le Soudan. Ouais. Alors, enfin, oui, peu importe les catastrophes humanitaires. Enfin, franchement, quel pays aurait agi autrement ? Prenons le cas de la France. La France, qui, je vous le disais la semaine passée, a toujours entretenu d'excellents rapports avec les dirigeants islamistes de Khartoum. Certes, la compagnie Total possède là-bas une concession, mais comme l'exploitation n'a pas commencé, Paris peut sans grand risque voter une résolution qui contrarie le gouvernement soudanais. Ouais. Et vous pensez qu'il en sera autrement lorsque l'exploitation commencera ? Presque certainement. Alors, après cette parenthèse, poursuivons. L'insécurité dans laquelle vivent les populations sédentaires du Darfour, ajoutée au sous-développement chronique, finit par engendrer une rébellion. Et ça débute comment ? En 2002, un avocat local a fondé un parti, le Front de Libération du Darfour. Il commence par essayer de fédérer toutes les milices d'autodéfense qui se sont constituées dans les villages. Oui, au fond, ce qu'il cherche, c'est une unification des tribus. Des tribus dites africaines par opposition aux tribus arabisées. Et contre toute attente, il réussit et finit par créer en mars 2003 une véritable armée, l'ALS. L'armée de libération du Soudan, c'est ça. C'est ça, oui. Donc il n'est pas seulement question pour lui de libérer le Darfour. Non, ses promoteurs veulent aussi débarrasser le Soudan d'un régime corrompu et inefficace. D'ailleurs, cette armée a des caractères très originaux à plusieurs titres. Lequel ? D'abord, dans ce pays musulman et même islamiste, puisqu'il y règne la charia, cette armée se veut résolument laïque. Ensuite, ses chefs se refusent à engager des enfants. Ah, au contraire de beaucoup d'autres mouvements armés africains. Hein. D'autre part, ses soldats se sont affranchis des chefferies traditionnelles. Enfin, et c'est notable, beaucoup d'entre eux sont éduqués. Et pourquoi est-ce notable, ça ? Parce que ces recrues seront moins susceptibles de s'en prendre aux populations civiles. Moins sauvages, vous voulez dire ? Vous ne pouvez pas utiliser cette épithète, mais puisque c'est vous qui le dites. Je vous en prie. J'ajoute, enfin, et ça va surprendre très désagréablement les forces gouvernementales. que cette armée de libération va tout de suite disposer d'un équipement moderne et même parfois sophistiqué. Mitrailleuses, 4x4, téléphones, satellites, etc. Ben là, il faut m'expliquer, parce que vous n'avez pas cessé de m'affirmer que le Darfour était sous-développé. Alors, d'où viennent ces armes ? Ben écoutez, des armes, on peut en trouver n'importe où. Mais il faut avoir l'argent pour les acheter. D'où vient l'argent ? Si vous le permettez, je vous répondrai précisément, mais un petit peu plus tard. Décidément, vous aimez bien le suspens, hein ? C'est en effet l'une de mes petites faiblesses. L'ALS déclenche d'abord les hostilités dans le fief de l'Etnifour, c'est-à-dire dans cette forteresse naturelle qui est le Jebel Mara. Les rebelles se lancent à l'assaut des postes de police et des garnisons de l'armée gouvernementale. Et très vite, ils remportent des succès. Il faut dire que l'affaire semble avoir été très très bien préparée. Le chef de cette armée est en effet Abdallah Abakar, un guerrier qui en 1990 a dirigé à partir du Darfour le raid triomphal qui a porté au pouvoir Idriss Déby. Idriss Déby, l'homme qui est toujours président du Tchad. Hein. Oui, dont le pouvoir est menacé à N'Djamena justement à cause de la crise du Darfour. Mais ça aussi on en reparlera. Car pour la France, en particulier, cette menace sur notre ancienne colonie est un important sujet de préoccupation. Mais reprenons. Au printemps 2003, les gouvernementaux subissent donc revers sur revers. En outre, comme beaucoup de soldats sont originaires du Darfour, ils désertent plutôt que de combattre leurs frères. Mmh. Et comment réagit le président soudanais ? Omar el-Béchir est manifestement humilié. Il est bien décidé à tout faire pour écraser cette nouvelle rébellion. Mais le peut-il ? C'est en effet la question. Il a beau décider de fermer les frontières à l'ouest du Darfour, c'est inefficace. Et surtout purement symbolique. Dans le désert, il n'y a pas de vraies frontières. À moins de construire un mur comme veulent faire Bush entre les États-Unis et le Mexique. Toutefois, il faut le noter, les pays voisins se disent prêts à coopérer avec Khartoum. Même Kadhafi ? Oui, et c'est assez normal. Le leader libyen n'a que mépris pour ces Africains noirs. Plus étonnante est la bonne volonté affichée par le président tchadien Idriss Déby. Car bien que tchadien, il est lui aussi originaire de l'ethnie Zagawa pastorale et africaine, implantée de part et d'autre de la frontière au nord-ouest du Darfour, et qui connaît aussi en son sein de fortes scissions internes. Puis chez les rebelles, là, il y a ce chef de guerre qui l'a aidé, Déby, hein, à conquérir le pouvoir. Oui, donc, Déby pourrait se solidariser avec eux. Ben, il s'abstient de le faire. Ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être vivement critiqué par les siens. Mais on y reviendra. Quoi qu'il en soit, comme l'armée rebelle vole de succès en succès, le président Béchir fait arrêter un certain nombre de notables et d'intellectuels censés sympathiser avec la rébellion. Et surtout, il nomme un nouveau gouverneur au Darfour, un homme à poigne, le général Oman Kibir. Et cette nomination va avoir de graves conséquences. Pourquoi alors ? Parce que ce Kibir, en plein accord avec Béchir, décide d'enrôler les Janjaouides, désœuvrés depuis qu'ils ont cessé de combattre au Soudan Sud. Et les exactions contre les villageois commencent aussitôt, un peu partout dans la province. Alors là, il ne s'agit plus d'incidents ponctuels, hein, comme le Darfour en a souvent connu. Non, manifestement, ces violences sont programmées. En août 2003, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, 300 personnes sont massacrées par les Janjaouides dans un village du Nord. Et j'imagine que ces razzias meurtrières doivent influer sur le cours de la guerre. Naturellement, parce que les rebelles doivent aussi protéger les civils. Mais dans un pays aussi grand où l'habitat est très dispersé, c'est presque impossible. Donc la plupart des villageois sont à la merci des violences des Janjaouides. Et quand ce ne sont pas ces mercenaires qui tuent ou violent, ce sont les soldats de l'armée gouvernementale qui se livrent à des exactions. Mais le plus souvent, ces deux forces de répression agissent ensemble. Mais vraiment, quel est l'objectif poursuivi ? Pour Khartoum, il est évident qu'il s'agit de mettre fin à la rébellion en organisant cette campagne de terreur. Mais il n'est pas exclu que certains, même au plus haut sommet du pouvoir, en profitent pour se débarrasser de ces orgasmes qui ont toujours été méprisés, sinon haïs, soit en les tuant, soit en les obligeant à fuir le pays. Alors, dans cette mesure, on peut parler de génocide. Oui, c'est vrai que ça y ressemble. Sauf, encore une fois, que les génocidaires sont aussi noirs que leurs victimes et qu'ils partagent la même religion. Au Rwanda, les Hutus et les Tutsis étaient également noirs. Hein. Vous avez raison, mais c'est pourquoi cette notion de génocide est aussi ambiguë dans le cas particulier du Darfour. En tout cas, il est certain que l'intervention des Janjaouides contrarie fortement les ambitions de l'ALS, l'armée rebelle. Et à cela s'ajoutent des dissensions au sein de la rébellion. Dissensions, expliquez alors. À côté du front de libération du Soudan, une autre organisation monte en puissance. Le Mouvement pour la Justice et l'Égalité, le MJE, et la personnalité de son chef, le docteur Khalil Ibrahim, donne sans doute une des clés de cette affaire. Gérard Poignet, chercheur et éminent spécialiste de la région, a publié en 2005 un ouvrage sur le Darfour. À partir des témoignages qu'il a recueillis là-bas, il décrit une opération type où l'armée et les Janjaweeds coopèrent pour semer la mort dans un village. Ça commence par un bombardement aérien où des militaires jettent des bombes primitives mais terriblement meurtrières sur les maisons et les civils, de simples bidons emplis d'explosifs et de ferraille. J'emprunte la suite au livre du Poignet. Dès que les Antonov avaient terminé leur sale besogne, des hélicoptères de combat ou bien des chasseurs bombardiers MiG arrivaient, mitraillant et tirant des roquettes contre les objectifs fixes comme les écoles ou les entrepôts. Il était clair que ce qui était recherché était une destruction totale des cibles visées. Lorsque les attaques aériennes cessaient, les Janjaweeds arrivaient soit seuls, soit en compagnie de soldats de l'armée régulière. Les miliciens étaient montés sur des chevaux ou des chameaux et étaient souvent accompagnés de technicals, c'est-à-dire de 4x4 armés de mitrailleuses. Ils entouraient le village et il y avait ensuite deux scénarios possibles. Dans la version dur, les lieux étaient totalement bloqués, tout était pillé, les hommes et les jeunes garçons qui ne pouvaient pas se cacher étaient abattus, les femmes et les jeunes filles étaient violées, le bétail était emporté et les ânes tués et jetés dans les puits. Ce massacre systématique des ânes avait deux buts. Le premier était de réduire d'éventuels survivants à l'impuissance, les ânes étant le moyen de transport le plus répandu au Darfour, sans lequel il est impossible de vivre et de circuler. Par ailleurs, les cadavres des ânes empoisonnaient les puits en pourrissant, rendant ainsi les villages inhabitables. Darfour, un génocide ambigu est paru à la table ronde. Alors, qui est ce docteur Khalil Ibrahim, chef du mouvement Justice et Égalité, c'est ça? C'est un notable, issu d'une lignée de souverains qui régnait au nord du Darfour. Et il appartient, tout comme le président tchadien Déby, à l'ethnie Zaghawa. Ouais. Et c'est cette proximité ethnique qui a attiré votre curiosité? Non. Encore qu'elle soit naturellement intéressante. Mais je vous en prie, laissez-moi d'abord poursuivre. Ah bah, écoutez, ça fait deux fois là que vous me faites cette demande dilatoire. Oh, alors, je vous prie de m'excuser, mais il vous faudra encore patienter un tout petit moment. Le président Béchir reprend peu à peu les choses en main, mais il se rend aussi compte qu'il ne pourra jamais éradiquer complètement la rébellion. Même avec ses Janjaweeds, oui, hein. Et puis il y a tous ces réfugiés, donc, dont beaucoup s'installent à la frontière côté tchadien. L'existence de ces camps où les exilés du Darfour vivent dans des conditions abominables commence à troubler la communauté internationale. Et ça, c'est mauvais pour l'image du Soudan. Hein. Bah, évidemment. Surtout à un moment où le président soudanais pouvait espérer se refaire une santé avec l'arrêt des combats au sud. De l'autre côté, au Tchad, on est aussi de plus en plus inquiet. Oui, à cause de l'afflux des réfugiés. Bien entendu. Alors, les deux présidents vont faire en sorte de contacter les rebelles et d'entamer la discussion. Déby, car c'est lui qui est l'artisan de ces négociations, parvient même à obtenir la signature d'un cessez-le-feu début septembre 2003 entre les rebelles et le pouvoir soudanais. Mais un cessez-le-feu parfaitement illusoire, car ni les Janjaweeds, ni le mouvement Justice et Liberté n'ont été associés aux discussions. Oui, c'est bien que les combats sur le terrain continuent. Et bientôt, le cessez-le-feu vole en éclats. Il n'aura duré officiellement que 3 mois. Mais l'armée soudanaise en a profité pour se réorganiser et purger ses rangs. Ce qui signifie? Les soldats originaires du Darfour sont éliminés, ou ne participent plus aux combats qui ont lieu sur leur terre natale. Et cette nouvelle armée passe à l'offensive avec succès. Le chef militaire de l'ALS, Abakar, est tué. Et Khartoum reconquiert plusieurs zones qui avaient fait pratiquement sécession. Zones dont les habitants fuient et vont grossir les camps de réfugiés. À ce moment, donc, début 2004, les rebelles estiment que 2300 villages ont été dévastés par les Janjaweeds et les forces gouvernementales. Mais dans ces conditions, l'armée rebelle, l'ALS, peut-elle encore résister? Oui. Oui, dotée d'un nouveau chef, elle est forte d'une dizaine de milliers d'hommes et elle donne du fil à retordre aux troupes de Khartoum qui, de leur côté, continue à massacrer ou laisser massacrer, tandis que le président ment effrontément en affirmant qu'il a gagné, alors même que la situation humanitaire ne cesse de s'aggraver. Dans les camps de réfugiés de la frontière tchadienne ? Et à l'intérieur du Darfour, où des femmes et des enfants, essentiellement, sont regroupés dans de véritables camps de concentration qui vivent sous la menace permanente des Janjaouides. Des Janjaouides dont la présence est aussi dissuasive pour les organisations humanitaires qui ont longtemps tenté de venir en aide à ces déplacés, mais qui ont fini par y renoncer. Parce qu'on ne pouvait pas les atteindre. Et que le danger était réel. Et qu'en est-il alors ? Des réactions de la communauté internationale? Elles ont été d'abord très molles, parce que la principale préoccupation, c'était d'abord d'obtenir la paix entre nordistes et sudistes au Soudan. Mmh. Oui, par conséquent, le Darfour passait après, quoi. Et puis, il ne fallait pas irriter le président Béchir qui affichait de si bonnes résolutions. En outre, les États-Unis considéraient désormais que le Soudan était devenu leur allié dans la lutte contre le terrorisme. Toutefois, des informations de plus en plus concordantes ont commencé à filtrer sur les horreurs qui étaient perpétrées au Darfour. Et en mars 2004, des agences de l'ONU ont évoqué le nettoyage ethnique en cours. Réaction à Khartoum ? On dément, bien sûr, avec la plus grande énergie, mais personne n'est dupe. En fait, Béchir, non sans habileté, va faire traîner les choses. Et ça dure toujours. Ainsi, à plusieurs reprises, pressé par la communauté internationale, il semble céder. Annonce des cessez-le-feu, ou signe même un plan de paix avec l'ONU. Ainsi, il est prévu de désarmer les milices, de cesser les actions armées contre les rebelles, et même d'engager des pourparlers avec eux. Mais il est clair que Béchir n'a nullement l'intention de tenir sa promesse. Et les menaces n'y font rien. Quel genre de menaces ? L'embargo sur les armes ou la volonté de traduire les responsables des exactions devant la Cour pénale internationale, ou encore des sanctions financières et des restrictions de déplacement pour certains ministres soudanais. Et même l'envoi d'une force africaine qui comptera jusqu'à 7000 hommes. Envoi que Béchir a accepté du bout des lèvres, mais qui n'empêchera pas les massacres de se poursuivre. Après, c'est une force d'interposition ? Une force d'observation plutôt, et sa présence est pratiquement inutile. Mais c'est cette force-là qui devrait être remplacée par des casques bleus. C'est exact. Toutefois, Béchir n'en veut pas et s'arc-boute. Sa récente décision d'expulser l'envoyé spécial de l'ONU montre bien qui n'est pas prêt à accepter les casques bleus chez lui. Mais malgré le vote d'une résolution de l'ONU qui prévoit justement l'envoi des casques bleus. Certes, mais notez bien que la résolution, 1706 je crois, n'a pas été votée à l'unanimité. Trois pays se sont abstenus, dont la Chine. Ah oui, là je comprends, c'est à cause du pétrole. Bien évidemment, ce pétrole qu'elle exploite au Soudan. Et d'ailleurs, le président Béchir, pour refuser l'envoi de cette force onusienne, a employé un curieux argument. Il a déclaré que le vote à l'ONU était le fruit d'un complot sioniste visant à piller le pétrole du Soudan et à démembrer son pays. C'est complètement aberrant. Je suis d'accord. Pour ce qui concerne le complot sioniste, pour le reste, c'est moins sûr. Car beaucoup de gens s'intéressent au Darfour. Et les évangéliques américains, qu'on a déjà vus à l'œuvre au sud du Soudan, commencent à sérieusement s'implanter au Darfour. Dans une province musulmane ? Et ces groupes de pression très anti-islamiques font du lobbying auprès de la Maison Blanche. Oui, mais d'après ce que vous m'avez dit, je ne les vois pas réussir à convaincre Bush d'intervenir. Moi non plus. Je veux aussi souligner que la crise du Darfour est contagieuse et plonge le voisin tchadien dans les affres. Idriss Déby a beaucoup de mal à résister aux membres de son ethnie qui le poussent à venir au secours de leurs frères du Darfour. Il est d'ores et déjà certain que des Tchadiens ont franchi la frontière pour combattre. Et depuis le Tchad et le Soudan vivent en état de belligérance. Mais si Déby tombe, et ça a d'ailleurs failli arriver, c'est une vraie guerre qui risque d'éclater entre les deux pays. Toutefois, avant de nous quitter, je voudrais revenir sur ce Khalil Ibrahim, le chef de ce mouvement Justice et Liberté. Ah, et dont vous avez dit que son action pouvait être l'une des clés de cette affaire. Le plus important, voyez-vous, c'est que cet opposant est un proche du fameux Tourabi. Commencez à comprendre. Tourabi, chassé du pouvoir en 1999 et qui ne cesse de chercher à se venger du président Béchir qui l'a écarté. Et vous pensez donc que Tourabi se trouverait derrière la rébellion qui a éclaté au Darfour ? Je le crois, oui. Car Tourabi n'a certainement pas quitté le pouvoir les mains vides. Et je vous ai aussi dit qu'il possédait la signature sur plusieurs comptes bancaires secrets. Oui, un trésor de guerre, en somme, qui qui expliquerait pourquoi les rebelles étaient si bien équipés. En effet, sans compter que Tourabi, éminence grise du pouvoir pendant si longtemps, a sans doute noué de précieuses relations à l'étranger. Les pays arabes ? En particulier. Donc si je comprends bien, le Darfour n'est pour lui qu'un levier lui permettant éventuellement de revenir au pouvoir. Oui, et je pense que le reste lui importe peu. Le reste, c'est-à-dire les massacres, les réfugiés... Mais en reconnaissant que ce n'est pas lui qui a inventé les Janjaweeds. Toutefois, ce qui tend à me faire croire que j'ai raison, c'est que Tourabi va bientôt montrer que ses convictions sont à géométrie variable. Islamiste, pur et dur, pendant de longues années, c'est même lui, je vous le rappelle, qui a accueilli Ben Laden au Soudan, il en viendra à soutenir les sudistes soudanais de l'armée de John Garang. Les chrétiens. Donc. Par conséquent, Tourabi s'est purement et simplement servi du Darfour. Et selon vous, alors, il a indirectement provoqué la catastrophe que l'on sait ? Sauf que ce n'est pas lui non plus qui a inventé le sous-développement chronique du Darfour et les razzias de plus en plus nombreuses des nomades sur les villages des sédentaires. Bref, il a cyniquement exploité une situation qui, tôt ou tard, aurait fini par dégénérer. Le Darfour pourra-t-il recouvrer la paix ? Beaucoup d'observateurs en doutent. Ainsi, Gérard Poignet, vers qui je retourne et qui écrit, je le cite, « Il existe, à l'heure actuelle, une certaine école de pensée anthropologique qui croit possible d'utiliser les leaders tribaux arabes traditionnels pour peu à peu dompter les Janjaweeds et les amener à résipiscence. On retrouve dans cette mouvance aussi bien le colonel Kadhafi que certains spécialistes occidentaux du Darfour. L'idée vaut bien sûr la peine d'être tentée, car la situation du Darfour est tellement tragiquement bloquée que toutes les voies de solution doivent être utilisées. Mais le succès semble peu probable. En effet, il y a tant du côté arabe, entre guillemets, que du côté africain, toujours entre guillemets, un mouvement de glissement générationnel qui a largement délégitimisé les autorités traditionnelles. En outre, la majorité des Janjaweeds sont des marginaux sociaux plus proches des gangs de jeunes du tiers-monde que des nomades traditionnels qu'on a voulu y voir. Enfin, je voudrais vous recommander un livre qui vient de paraître chez Autrement, Dictionnaire des enjeux internationaux par Bruno Tertrais. Et bien sûr, on y parle du Darfour.